Les lumières clignotent sur les murs. Nous dansons à travers le pays des rêves. Souffle comme un rythme cardiaque attend. Nouveau jour, tous les soirs. M, musique, zéro ligne, tillé. Énormes élections de toutes les directions. Le son devient une nouvelle poésie. Mélangé dans les fleurs au fil du temps. Ici l'éternel commence. Mélange musical. La basse vibre comme un volcan. Nous captive par magie. Des voix folles dans la pièce. La musique sera pour la vie. Énormes élections de toutes les directions. Le son devient une nouvelle poésie. Mélangé par les fleurs au fil du temps. C'est là que l'éternité commence. Clip vidéo. Vidéo mix sur le grand écran. Nous perdons votre main entre nos mains. Toutes sortes de grands jeux, c'est juste notre sentiment. M, l'enjeu musical. Énormes élections de toutes les directions. Le son devient une nouvelle poésie. Mélangé par les fleurs au fil du temps. C'est là que l'éternité commence. La basse vibre comme un volcan, nous captive par magie.